C'est-à-dire que si tu veux, un gauchiste voit quatre hommes noirs violer sa femme, son premier réflexe n'est pas de se dire mon Dieu, j'ai envie de les tuer, ce qui est logique, parce que tu vois, c'est la haine, on a fait du mal au tien, donc en fait, t'as les boules. Il va se dire mon Dieu, pas d'amalgame.